Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota sur KFAI. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 Saint Paul, Radio Without Boundary. Bonsoir Frédéric, moi je suis Karine. Et lui, Frédéric, qui maintenant il est ingénieur ce soir. Félicitations. Wow, c'est chouette parce que je n'ai pas eu besoin d'aller à l'école pendant très très très très longtemps. So tonight I'm behind the board, I'm the engineer, and I was saying in French that it's kind of nice because I didn't have to go to school for too long and oui. To spend that much money. But I'm really happy to be able to help and behind and, you know, whenever is needed and contribute to it. Ben, bravo. Et je sais que toi, tu vas être un grand succès. Merci beaucoup. Alors, on va écouter d'abord une chanson. Et donc, j'essaye maintenant de me retrouver un petit peu. C'est pas toujours évident, mais on va y arriver. Et la prochaine chanson qu'on va entendre, donc, c'est Asie Alexandria. Et elle va chanter « J'attendrai ». Ça vient du CD de Putumayo Vintage of Vintage France. Allez, on y va. Ils ne sont pas des gens avalescentes, les bons rôdeurs qui glissent dans la nuit. Ils lui préfèrent la valse entraînante, souple, rapide, où l'on tourne sans bruit. Silencieux, ils enlacent l'air belle, mêlant la côte avec le cotillon. Léger, léger, ils partent avec elle dans un gai tourbillon. C'est la valse brune des chevaliers de la lune que la lumière importune et qui recherche un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la danse le soir. Ils ne sont pas tendres pour leurs épouses, et quand il faut savent les corriger. Un seul soupçon de leur âme jalouse, et les rôdeurs sont prêts à se venger. Tandis qu'ils font à Berthe, à Léonore, un madrigal en vers de leur façon. Un brave agent de son talon sonore souligne la chanson. C'est la valse brune des chevaliers de la lune que la lumière importune et qui recherche un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la danse le soir. Quand le rôdeur dans la nuit part en chasse et qu'à la gorge il saisit un passant, les bons amis, pour que tout bruit s'efface, non loin de lui chantent en s'enlaçant. Tandis qu'il pille un logis magnifique ou d'un combat qu'il sait sortir vainqueur, les bons bourgeois grisés par la musique murmurent tous en chœur. C'est la valse brune des chevaliers de la lune que la lumière importune et qui recherche un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la danse de soi. J'attendrai toujours ton retour. L'ombreuse glisse dans les jardins, l'horloge tisse tes entrelacs. Je crois entendre ton pas devant ma porte depuis longtemps. Devant ma porte, j'écoute en vain. Hélas, plus rien ne vient. C'était la javanaise. Il y a eu une petite confusion. La première chanson qu'on a entendue, c'était Juliette Gréco avec la valse brune. Et donc, c'était la deuxième chanson qui était Asier Alexandria. Non, avec J'attendrai. Oui, j'attendrai. do you want to back announce in French? Oh, yes. In English? Yes, this is a very strange name. Asier et Zeandia. I will wait for you. I will wait. A very popular song during the last World War. And the very first one we heard tonight also was a well-known song, and that was Juliette Gréco with the, well, what did you translate? The dark? The dark Java? La Java? Oh, oh, c'est la Java. Non, c'est la valse. Oh, c'est la valse. C'est la valse. Ah, c'est une autre danse. The brune or the dark? It's very nice. It was very popular as well. Yes. It's still very. And is she still among us? As far as I know, yeah. She must be up in years. Yeah. I think she's in her 90s. Amazing. But she's still. I think she kind of slowed down the touring, but. Well, look at all these older artists like Charles Aznavour and. Yeah, still touring. Of course. His voice is not the same. His voice is much changed. That's right. I don't know, maybe I mentioned it before, but I have some friends who saw him in Miami recently, like 2 months ago. Aznavour? Yeah. Really? Yeah, Charles Aznavour était à Miami il y a quelques mois, et j'ai deux amis qui sont dans la région et qui sont allés le voir, et ils ont adoré. Ils ont trouvé ça formidable. Félicitations, Charles Aznavour. So, what are we going to listen next? En français ou en anglais? En anglais. En anglais, c'est Francesca Blanchard. Et on dirait une italienne. Mm-hmm. C'est 8 sur ta liste. Francesca Blanchard. Sous le ciel de Paris, et tu veux faire deux? Oui, Ça serait bien. Oui. Deux chansons. Et ensuite, suivi par Art Mengo et Lara Guirao. Je me fais des idées. Allez, on y va. Oui. Je me fais des idées, me berce d'illusions, me perds dans tes pensées et me prends à rêver épistolairement d'échapper d'évasion aux heures les plus longues de fin d'après-midi. Seules nos ombres se frôlent que déjà tu pâlis. Tant de pudeur me nuit, je le sais, c'est ainsi. Papier jauni, par l'outrage des années, resteront là blottis, retenus à l'écart, à l'abri du grand jour. tout dire, mais on peut tout écrire. Ces vers que l'on s'adresse, personne ne les lira. Je garderai enfoui au fond de moi, tu vois, nos échanges amoureux. C'est mon rester sans voix. Tu me fais des idées, me berce d'illusions, me perds dans tes pensées, me prends à rêver épistolairement, échapper d'évasion. On est de retour hein, sur l'antenne. Oui. On a eu un coup de téléphone de Louise qui me disait qu'elle a énormément apprécié d'entendre la chanson J'attendrai. Ah oui, c'est formidable comme chanson. This song was like in her mind recently, so she oh really? It was from like someone different, an artist. Right. More contemporary. Well, it was a very important song during World War II. It was a nice song. And we heard also on this Francesca Blanchard on Sous le ciel de Paris, Under Paris Skies, and Art Mengo and Lara Guirao. Je me fais des idées. I get ideas. Yeah, I get ideas. Je me fais des idées. C'est un peu quand les gens doute. I think when people have suspicions but they are not necessarily founded. I mean, they are not necessarily true. So it's more like maybe I'm making it up. Maybe I'm making my own story in my head. Mm-hmm. Well, that's a nice album that came out not too long ago from Putumayo, and it's called Vintage France. And it's a got different versions of great songs from the past. Qu'est-ce qu'on a maintenant, Fred? Tu me dis ce que tu veux qu'on écoute. On peut écouter Pink Martini. On peut écouter Pink Martini. Bah, oui. Et puis, je voudrais dire à nos auditeurs aussi que nous avons, pour les gens qui habitent dans le Minnesota, nous avons deux tickets à gagner pour le Trilon cinéma. Ce week-end, il y a un film qui s'appelle Cléo from 5 to 7. Ah bon? Yeah, they must have translated a title. I don't know what the original title is. But if you're in Minnesota and you want to win two tickets for the Trilon for this weekend, for Cleo from 5 to 7, it's a new wave movie. So probably 60s in that oh, era. Yes. Call us at the studio, 612-341-0980, while the music is playing. This is for a pair of tickets. Yeah, for a pair of tickets for the Trilon Theater. Trilon Theater. Right, oh. Trilon, yeah. Who was the director? Did it say? Yes, it's Agnès Varda. Oh, and yes. It's Corinne Marchand and Antoine Boursier. It's from 1962. So that should be a very nice movie. The synopsis is like Cleo is a semi, you know, famous pop star convinced that she has she has terminal cancer, but she won't know for 2 more hours. So Varda's film dives into the fragility of the human psyche. Je pense que ces deux heures vont être difficiles à passer avant de savoir si elle a le cancer ou pas. Mm-hmm. Donc, c'est le sujet du film. Agnès Varda is a very well-known filmmaker. Yes. So call us while the music is playing. Oh, what's that number here to call? 612-341-0980. That is correct. And now we're going to play some announcements, and then after that, we'll play Pink Martini. Oh, Pink Martini maintenant? Après les annonces? Oh, d'accord. Wait until the music then. When is the membership drive at KFAI? Now!

Et on est de retour, donc on a entendu deux chansons. Oui, Pink Martini, qui chantait Sympathique. Ok. Je crois que c'est un groupe mélangé. Il y a la dame et la femme et la vocaliste, elle est américaine et il y a d'autres de... un grand mélange. Un peu partout. Un peu partout. Ils sont basés à Los Angeles, mais c'est... Ah, c'est vrai. Ça m'a l'air d'être un groupe assez éclectique. Oui. Et juste après, on a entendu une deuxième chanson. Les Nubiens. Je ne sais pas pourquoi c'est marqué masculin, parce que c'est deux sœurs qui sont à Paris maintenant. Et, je crois que c'est une très belle chanson. Grand succès. Les portes du souvenir. Oui, et je vois que c'est la meilleure chanson de l'album. So we heard Pink Martini with Sympathic, and we were talking about the fact that they are a very eclectic band, you know, with some French roots, but also, I mean, they are Los Angeles based, as far as I can tell. And after that, we heard Les Nubiens, who are now in Paris, and Les Portes du Souvenir means like the doors or the gates to souvenirs or memories. So it's a very sweet song. I like the harmonies, sir. Yeah. Great. They're very much like that. I mean, they're very smooth, like all of their CDs. Yes. Are pretty good. Oh, you knew them before. I have a CD or two. Okay. I mean, who are your favorite vocalists or bands or? In general. Yes. French or? French. I don't know. J'y ai pas tellement pensé, et surtout aux chanteuses. J'aime bien Edith Piaf, mais c'est un peu plus ancien, donc. Oui. De chanteuses plus récentes, je suis pas certain. Je vais y réfléchir. un peu plus tard, on va entendre très certainement une chanson de Cœur de Pirate. Elle est originaire du Québec et j'aime beaucoup sa voix. C'est pas une grande vocaliste comme, elle chante pas d'opéra, mais j'aime bien le timbre. Elle écrit ses propres chansons et elle joue du piano aussi. Mm-hmm. Ouais. Très douée. Ouais. Quel talent. Donc, I remind you that we have two tickets for the Trilon. Trilon's and Micro Cinema. Feel free to call us. It's in Minneapolis. It's 612-341-0980. And call while the music is playing. Les deux prochaines chansons qui vont venir, donc on va entendre April March. C'est le nom est en anglais. Le nom de la chanson, c'est Garçon Glaçon. Et après, qu'est-ce qu'on va écouter? Ça va être... on va écouter... Garçon glaçon, boy, ice cube. cube boy. Well, quand on va au café, parfois on demande des glaçons aux garçons. The garçon is often the name for, like, you know, the waiter. I didn't think of that. After that, we're going to listen to Coralie Clément, Samba de mon cœur qui bat. Donc, on va y aller. Oui, vas-y. Tremble encore.

c'est lâche, que c'est fâcheux. Quelle tragédie, quel tracas. Mon Dieu, que c'est vache, mon amoureux est reparti là-bas. Mon Dieu, que c'est triste, il m'aimait si peu. Moi, je l'aimais tant, je crois. Mon Dieu, tu t'en fiches, toi, tu n'as Dieu que pour une autre que moi. Même si le temps passe, je n'oublie pas. La samba des jours avec toi. La samba des jours avec toi. La samba de mon cœur qui bat. La samba des jours avec toi. La samba des jours avec toi. La samba de mon cœur qui bat. Samba de mon cœur qui bat. C'est ennuyeux, tu t'es joué de moi. Mon Dieu, que c'est cloche de se dire adieu. Et Paris est si froid. Mon Dieu, si tu existes même un peu, ramène-moi. Mon aquarelliste si vaniteux qui ne peignait que moi. Même si le temps passe, je n'oublie pas. La samba des jours avec toi. La samba des jours avec toi. La samba de mon cœur qui bat. La samba des jours avec toi. La samba des jours avec toi. La samba de mon cœur qui bat. Samba de mon cœur qui bat. Avec Garçon Glaçon de Epomanche et Coralie Clément, Samba de mon cœur qui bat. That's a nice song. Yeah. Samba of my beating heart. Yeah, very uplifting and not too... It's uplifting but not too, like, crazy. Yes. And, yeah, kind of smooth. should we talk about what's going on this week at the Alliance Française? Of course. What do we... Là, j'ai, sur le site internet, je peux voir ce qui va arriver cette semaine. So, cette semaine, l'Alliance Française, le 4 mars, il va y avoir le petit déjeuner à Minneapolis. Venez savourer un café, manger du pain et avoir des conversations en français dans la grande salle. Join us the first Saturday of every month from 9:30 to 11:30 for delicious pastries and breads. Brought to you by Brett Smith, baked fresh from scratch daily with only the finest ingredients. C'est une fois par mois, premier samedi du mois, de 9h30 à 11h30. The first Saturday. Yeah, mm-hmm. It's very nice. And it's fun. Yeah, and there's all kind of people. I mean, all levels and, you know, yes. People come just to listen. And all nationalities. True, yeah. I spoke to a Brazilian woman last time I was there. Nice. Why, well, my magic? You come quite often to it? I'm trying to. It's quite early. Oh, it's early. All right. Well, my little one is waking up very early in the morning, like between 5:30 and 6. And so I often get up, get him ready, and go back to bed. And when I go back to bed, I'm not necessarily back up at 9:30. So. Oh, I don't blame you. Mais j'essaye. Quand je peux, j'essaye de venir. Donc, venez nombreux. Le même samedi, the same Saturday, il y a le petit déjeuner à Rochester, dans le sud. So same thing, conversation group, and it is very, very nice. It is from 9:30 to 11:30, and all level are welcome to attend. It's attendees may purchase the beverage and treats of their choices from. But here at the Alliance, they just give a donation. Yeah. Bread Smith is from Bread Smith. Nice. Yeah. They have all kinds of good breads and. Yeah. Along with Nutella, avec and du beurre, jam et du beurre, et la confiture, et le café, et le jus d'orange. So, il y avait du jus d'orange. En général, il y a du jus. En général, c'est assez confortable. Donc, tu avais une annonce à faire à propos de... with Francine Roche, who is a singer, and she teaches occasionally at the Alliance. A native French speaker from Quebec, and Mark Stillman accompany her in several places, and they will be playing this the 2nd of March 2nd, that's the day after tomorrow, and they play at, what is the name of that place now? That's the Honey Lounge, I believe. Yeah, that's and that's nice right on Hennepin, yeah. Over near the U, downstairs from what used to be the Times. The restaurant now is called the Ginger Hop. Nice. Yeah, I've been there one time to see yes. Alchimie. Le groupe Alchimie, le 14 juillet, c'était... là, ils ont joué là-bas. C'était you can dance, and it's all mm-hmm. kinds of music, not only French, but many European musics, and... It's just a good time, and it starts, I believe, at 7:30 to 9:30. Just a nice. Great time to dance. And nice. That's Francine Roche and Mark Stillman. C'est Frédéric. We still have people don't call in for these free tickets, yeah, but these are... No, I'm kidding. No, we don't go. We don't go to ours. We don't really participate to this drawing, but... Yeah, worst case scenario, if we don't get any calls tonight, we probably can, you know, do something on the Facebook page. Yes. And we'll see. We'll see at the end of the night. What was the date of that film? So weekend. Oh, this weekend. I mean, he plays on Friday, March 3rd, and Saturday, March 4th, and Sunday, March 5th at different times. And this is the film by Agnès Varda called Cléo de 5 à 8. Oui. 5 à 7. 5 à 7. Mm-hmm. It's a classic. It is. Mm-hmm. It is indeed. So give us a call here when the music plays, and you can win a pair of tickets. Our number here is... 612-341-0980. That's once again 612-341-0980, and you can be a winner of tickets. Yay! So we're gonna play some announcements, and after that we're gonna play more songs. At least a couple of songs. One from Serge Gainsbourg, "Ce mortel ennui," et Charles Trenet. Boom. Donc, voici les annonces qu'on aime tant. The Internet Geeks at IP House are proud supporters of KFAI Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, providing programming for music lovers at AMPERS.org. AMPERS features hundreds of performances by Minnesota jazz,

fait boum, tout avec lui, boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum. Je n'entends que boum, boum, ça fait toujours boum, boum, boum, boum, boum. And we are back on. Well, that was Serge Gainsbourg, the bad boy of French music. You know, he had the most beautiful woman in his life, but I don't know. I don't see it. He was but charming. He had a lot. He was very charming. Yeah. He's no longer with us in this world. Right. But, well, I think at a time he was... Was it... I don't know if Brigitte Bardot was in his life or not. I think so. Because they made a CD together. Yes. Yeah. You know, there were some songs too. And he was a provocateur, vraiment, because really yeah, some of his songs, one was the Marseillaise, but it was in a laughable version. True. We'll play that next July 14th. He had a very controversial songs, like he played La Marseillaise like in a reggae kind of tempo. Yes, he did. A lot of people really didn't like it because it was Marseillaise, the national anthem, and it's considered kind of like sacred. So doing it in a reggae tempo was kind of, yeah, very controversial. But he had some other controversial songs. Sea, Sex, and Sand. Yeah, La Décadence. Or, yeah, La Décadence, I never heard that one. But oh, it was, yeah, I did. It's pretty controversial. So, congratulations. Félicitations à Daniel. Congratulations for Daniel. He called us and he won the two tickets for the Trilon Theater and for this weekend. So félicitations, Daniel. Merci de nous écouter, and I think we'll have more to win at some point, but for now that was the ticket for the night. Well, we had one more song. Charles Trenet, who was an extremely prolific writer and singer of the 30s or so and 40s, he wrote I don't know how many songs, but they are great. Many, many, many songs. And he wrote this one, and this was Boom. Yeah, Quand notre cœur fait boom. So when our heart is doing boom, you know, kind of like... B-O-U-M. Yeah, like a jump start. Like an explosion. All right. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh, attention là. We're going to have an announcement, and after that, we'll be right back to talk a little bit more about the Alliance. D'accord. Tune in to The Listening Lounge Wednesday night at 7:30 to hear Mason Jennings performing live at the Sacred Heart Music Center, an entire half hour recorded live in Duluth. That's Mason Jennings, live from Minnesota and in The Listening Lounge, Wednesday night at 7:30. Minnesota, here on KFAI at 90.3 FM, Minneapolis, and 106.9, is that correct? 106.9? Seven. Oh my, after all these years. 106.7 FM in St. Paul, Radio Without Boundaries. Vous écoutez KFAI à 90.3 FM et 106.7 à Saint-Paul, Radio Sans Frontières, et vous écoutez Bonjour Minnesota. Je suis désolé, il y a eu un petit peu de blanc. There was a little bit of dead hair. I didn't push the right buttons. There are a lot of buttons there. So, je crois que c'est un réussite parce que c'est la première fois que Frédéric est notre chef au board ici. J'essaierai de faire encore mieux la prochaine fois. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter? Tu as la liste, donc tu peux me dire. Oui, alors est-ce que tu veux discuter l'alliance? Oui, on va parler un petit peu de l'alliance. Uh-huh. Et puis après, on écoutera Maurice Chevalier avec Valentine. C'est drôle. Et Zaz avec Prends garde à ta langue. Mais je voulais parler la Bretagne entre légende et modernisme. C'est un workshop, comment on dit ça, un atelier, un séminaire sur la Bretagne. La Bretagne is Brittany, and it's on March 4th from 1 to 4. And Brittany evokes lighthouses along the rugged coast and culinary specialties, pirates, Celtic traditions, and mysterious legends. So it's so beautiful. Yeah, it is beautiful. If you want to know more about it, you can register either online or by calling the Alliance at Française de Minneapolis-Saint-Paul at 612-332-0436. So you can register online at afmsp.org or call their office at 612-332-0436. Is this for adults or children or French? It's mostly adults. And it says delve deeper into French culture and grammar reviews with these out of ordinary classes, workshops of one day. So it says beginner 5 and higher, which... Then that would be in French. Yeah. Mm-hmm. Yeah, it'd be in French. I'm sorry, I'm speaking a little bit fast sometimes. tu fais bien. I am. The faster I speak. So je vais essayer de ralentir un petit peu le débit pour... parce que si je suis nerveux, je parle un peu plus rapidement et... Je veux que tous nos éditeurs puissent Do you think comprendre. It's true that the French speak faster than those speaking English? No. I think it depends on where the French are from. Oh. There's a lot of regional differences, cultural difference. So a conversation between French people in Paris is probably going to be... at a faster pace. Very fast. It's a big city. There's more stress and things like that. Where I spent vacation in Montpellier, which is not only in Vermont, but also south of France. And they are much more laid back, and their accents and their pronunciation, they are really, their pace is slower when they speak. And so their pronunciation is easier to understand when you come from a different country. So, I think it's true everywhere. I think that even for Spanish, like whether you're in Mexico in a country or if you're in big city in Spain, the pace is very, the dialogues are very different. So, and there's a particular French slang too. The first time I heard someone speaking in a Parisian slang, I didn't understand one word. Talking about his fric and his frac. Ça arrive parfois, c'est Oh non, c'était drôle, comme tout. They say the most beautiful French is spoken in the Touraine, in the area known for the castles in the western part of France. You don't think so? You guys can see my face, so I don't want to be too rude, but besides the castle, there isn't very much around. Oh, yeah. And so, every region is trying to kind of find something that's really typical or like to brag about. I mean, it's the same here, Minnesota is going to brag about, all the lakes and all the nice things they have, and another state is going to say the same thing, even though... by some other region standards, that might be different. But I'm not familiar with Tours too much. So my mom is from the Berry region, so it's to the south of that, after the castles. I should know the singer of La Belle du Berry in Paris Combo. Mm-hmm. She is from Berry. Yeah. We don't know her real name, at least I don't. Oh, we'll find out someday. But, well, I haven't heard much from them. They had a huge world tour. Yeah, well, they stopped by, like, I think it was a week or two ago. Yes. Oh, that's right. They were here, weren't they? They were here. So that was pretty nice. Alors, encore une chanson pour... Maurice Chevalier? Ah ben, oui, alors. Oh, c'est drôle, ça. C'est ancien, mais c'est toujours ça la patate. C'est drôle. C'est quel CD? Allez, on y va avec Valentine. On se rappelle toujours sa première amie. J'ai gardé de la mienne un souvenir pour la vie. Un jour qu'il avait plu, tous deux on s'était plu. Et puis on se plut de plus en plus. Je lui demandais son nom, elle me dit Valentine. Et comme elle prenait chaque jour la rue Custine, je pris le même chemin. Et puis je lui pris la main, je l'embrassais enfin. Elle avait de tout petits potons, Valentine, Valentine. Elle avait un tout petit piton que je tâtais à tâtons. Tonton, tontaine, elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits potons, son petit piton, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. Hier sur le boulevard, je rencontre une grosse dame avec de grands pieds, une taille d'hippopotame. Vivement, elle me saute au cou, me crie « Bonjour mon loup !» Je lui dis « Pardon madame, mais qui êtes-vous » Elle me répond « Mais c'est moi, Valentine !» Devant son double menton, sa triple poitrine, je pensais rempli d'effroi, ce qu'elle a changé ma foi, dire qu'autrefois, elle avait de tout petits potons, Valentine, Valentine. Elle avait un tout petit piton que je tâtais à tâtons. Tonton, tontaine, elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits potons, son petit piton, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. Tu peux être édule de ces gens malhonnêtes qui te promettent la lune en laissant ton pouvoir pour qu'ils te manipulent ta précieuse liberté et parfois même tes thunes. C'est faux, tu te crois à l'abri, tu te moques du monde, tu juges avec mépris. Bien trop intelligent pour dans ce piège être pris. Tu te vois bien la face et se joue ce qui suit. Aveuglé par là, s'entend de sa bouche, tu vois ses paroles délicieusement à la louche. Ne vois-tu pas louche ce fou qui t'éclabousse de son air à guichard qui te compte sa soupe. Hé, sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre avec un peu bâton. Hé, sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre, on récolte le bâton. Non, non, ne tombe pas dans le piège de cette énergie humaine et de ses sortilèges. À trop vouloir entendre ce qui te fait plaisir, il t'aura bien flatté l'ego mais se prête à te nuire. Mais regarde le glousset, il tâte le terrain, divise pour mieux régner. Dans son habit de prêtre, il clame le vrai dessein. Te contrôle par tes peurs, tu deviendras son chien. Aveuglé par l'art, Satan de sa bouche, tu vois ses paroles délicieusement à la louche. Ne vois-tu pas loucher ce fou qui t'éclabousse de son air à guichard et te compte sa soupe? Hé, le sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre, on éclate le bâton. Hé, le sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat. À ce jeu-là, tu n'y gagneras pas. Un jour ou l'autre, on récolte le bâton. Des rafales d'émotions envahissaient me saouler si l'illusion m'en fait perdre la boule. Alors, je suis folle. Des couleurs dans les yeux, bien plus encore des envies plein les cheveux et jusqu'au fond de mon corps. Sans dépendance en cours. J'aime un nouveau. J'ai redéfini qui je suis. Vous trouverez ça infantile ou futile. Derrière la lumière, je suis, je serai le meilleur dans mes frères. Je regarde et cultive. Au pire, je chante à l'unisson nos forces en commun pour faire entendre nos voix. La voix, c'est toi. J'aime un nouveau. Et je m'en étonne chaque jour. J'aime un nouveau. Sans dépendance en tour. J'aime un nouveau. J'ai fait en moi un autre deal. Vous trouverez peut-être ça futile, infantile. À l'évidence légère, cette chanson ne l'est pas. On est bien trop sur terre à baisser les bras. On se cache derrière nos carapaces dur à cuire, on se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. On se cache derrière nos carapaces dur à cuire, on se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. Le jeu du monde, et je m'en étonne chaque jour. L'enjeu du monde, le jeu du monde, et je m'en étonne chaque jour. Et voilà. Donc on a eu trois chansons. On a entendu... De Zaz, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Donc, d'abord, on a eu Valentine. Rappelle-moi, qui chantait Valentine? Oh, petit peton. Chevalier. Chevalier, avec ses tout petits petons. Donc, on a d'abord entendu ça. Oui, how do you translate that? Well, les petits petons, it's, these are the little feet. The little feet. I mean, a peton is the feet. So. Oh, okay. Yeah. Compared to all the rest of her, that kind of got bigger with time, but. Wait, well, he didn't recognize her after a few years. Et on a entendu Zaz, deux chansons de Zaz. La première était Prends garde à ta langue. You gotta be careful with your tongue. So there's a lot of play on word with that. Typically, it's kind of a warning saying, like, you better watch your mouth and what you're saying. And there's also, like, you know, the cat got your tongue. It also works in French. Oh, like, does it? Le chat mangé ta langue. Oh. There's even some small biscuits, des petits biscuits, qui s'appellent langue de chat. Oh. Aussi. Yeah. Donc, Lady fingers. Right. Lady fingers cookies are called. Okay. Cat's tongues. Et après ça, on a entendu, c'était encore ça, c'était J'aime à nouveau. I love once again. Yeah. I really like her smoky voice. I do too. Certain of her songs, I think, are really great, sort of street songs, raspy voice. Yeah, that's very nice. So we're going to, I wanted to talk a little bit about one more thing that the Alliance Française is doing, and then we're going to hear some announcements, and after that we'll get back to music. So on Saturday, March 4th, you can join the Alliance it's an exciting month because it's Le Mois de la Francophonie, it's the month of the Francophonie, so like French speaking. Mm-hmm. French speaking. So a lot of the countries are being represented who are French speaking or French speakers, and this year it's gonna be Senegal. So on Saturday, March 4th at 6 p.m. You can join them. It's gonna be the opening ceremony avec Ndaje Teranga Party. I'm sorry if I botched your name. It's I didn't train before, so you don't speak Wolof. No, a celebration of the historical and cultural aspect of Senegal. Enjoy Senegalese cuisine, music, dance, and fashion show. There's a fee, and you can go on their website to register, afmsp.org, or you can also call their office. And all month of March is going to be a lot of different events celebrating Senegal, which is in West Africa, and a lot of French speakers. Well, it was a former colony, I believe. Yeah, it was. And so it's still considered their number one language because there are so many different languages in Senegal. Is there? And I'm not very familiar so with that, the only way for people to really communicate is to use a language such as French, which everybody speaks. When I first came here, like maybe a year after I came here, so I'm talking about 2001. I met someone from Cameroon, and I was under the impression that, you know, being from Paris, I thought that most Cameroon were French-speaking, but the two official languages are English and French, and it sounds like based on the region you're coming from, you know, it could be either English or French, so it was, it was just an eye-opener, because I was not familiar with it, but it's always nice to learn more about different countries. Yes, and I received an email from Ibu. Oh, where is he's back in town.

s'aventurer davantage au risque de tout briser, souffrir à force de s'étreindre et se confondre dans la nuit, souffrir sans gémir ou se plaindre sans un cri. I like Michel Sardou a lot. He's very, very nice. Is he still recording? I haven't heard anything from him. I'm not sure. Maybe he retired. It's possible. I mean, mm-hmm. Some artists like Michel Sardou, or sometimes like Francis Cabrel, was very known for taking a long time in between each. Yes, he did. Each album. So, I'm not really sure. Plus, I get my news feed from Facebook or Le Parisien, and from who? From Facebook. Oh, Facebook. And okay. Facebook, and I'm getting the feed from like either Le Parisien, mm-hmm. which is the newspaper, or Les Inrecuptibles, which is like more like a rock magazine, and pop. Comment ça se dit? Instead of incorruptible. Oui, c'est un rock. Incorruptible. Mm-hmm. Comme like. Ils peuvent pas être corrompus. Mm-hmm. Sardou is not really the demography of of the rock. I mean, it's No. He's a little past for that. Yeah, a little bit. But it's so nice to hear some song from yes. him. Yes. So I also wanted to announce. We can talk about it again next week. But on Wednesday. So what will that be on Wednesday? March something. March 1st. Tomorrow, it's not this Wednesday. No, I'm talking about the following Wednesday. Well, if tomorrow's the 1st, and right. maybe the 8th. Yeah, that would be. Mm-hmm. So Paris Saint-Germain, the team of Paris, is going to play on Barcelona for the Champions League. Oh, big game. I think, Paris yes. Saint-Germain, they already play that team. And Barcelona is one of the best teams yes. in the cup, in the league. And in Paris, they won 4-0. It was very, very unexpected. I mean, we thought it was going to be like a tight game, but Won? Paris. Paris won Barcelona. It seems so obvious to me. That but yeah, Paris won 4-0. Yay! and so that's going to be the away game, like the second match. There's always one game in one. And where does everybody go to watch it? I don't know where everybody goes. I will go to Brits Pub. Brits, that's the usual hangout. Mm-hmm. They play most, if not all, of the Champions League games. Mm-hmm. So it's that's going to be Wednesday, March 8th, and I think the kickoff is at like 1:45 p.m. Mm-hmm. Yeah, I'm taking a half day. That's the important sound. I invited people and they say like, oh, I'm working, but you know, can take some days off too. So I will, but there's always good company and it's a very nice setting. Oh, that's good. It is. So that's one of the things I wanted to talk about. I watched the game on, I also watched the game on Sunday morning. Now we're talking soccer. We're still talking soccer. European football. Yeah. Okay. And the French League, or the Ligue 1, La Ligue 1, Paris was playing Marseille. And they are, you know, how do you say, like, arch enemies? Like, it's very the opposite teams. That's the second largest city. Yes. You know, with Lyon, they always like kind of say like, oh, Lyon is the biggest and Marseille is the biggest. But as regards to soccer, Marseille is the, I can't say that they are the best, but they are, there's a rivalry that between Paris and Marseille that never compares even between the Vikings and the Packers. Vikings and Packers are much more civil. Pretty. Well, I don't know. Oh, this must be very wild. It is. Unfortunately, it is. But yeah, so Paris won in Marseille 1-5. So they score 5 goals. So they are pretty, they're on the roll. Well, it should be a pretty loud party then on Wednesday. it was great. Paris Marcelin. Barcelone? Barcelone, oui. Paris Barcelone, mm-hmm. It should be a very good game. Mm-hmm. The team of Barcelona really wants to get revenge. Oh, I bet they do. I bet they do. It's being played in Barcelona. Mm-hmm. So. Oh, it is in Barcelona? Yeah. Beautiful city. I loved it. Mm-hmm. Have you been there? Oh, yes. I went there like just for 4 days. And I really is beautiful. Watch your billfold, though. I really enjoyed Gaudi. The works of Gaudi. Sagrada Familia. I liked it too, but it's. Oh, you mean the gardens? That's the garden. I thought great. Was much mm-hmm. warmer because there was a lot of colors, a lot mm-hmm. of shapes. Sagrada de la Familia is a very big church. It's very impressive, but it's a very big church. Huge. And, yes. I was more excited about the garden. They finally finished building it, I think. Did they? Oh, I don't know. There was still going on. I think I went there like in 2003, so they mm-hmm. still had cranes and everything. Yes. But, I mean, they had a lot done, but I didn't know how much was left to be done, so. Oh, and years and years. Of course, the great Gothic cathedrals took even more. Yeah. A lifetime sometimes. So we're going to hear some announcements, and after that we're going to hear... Encore la musique, bien sûr. Oui, encore de la musique, avec Cœur de Pirate. What is le long du large? Le long du large, Cœur de Pirate, elle est québécoise, et elle écrit sa propre musique. Mm-hmm. Et vraiment, elle s'appelle Béatrice Martin. Un nom bien français. Mais Cœur de Pirate, ça fait plus... Ben, ça vend des disques, quoi. Mm-hmm. Et après ça, on va écouter toujours Cœur de Pirate comme des enfants. C'est charmant. Elle a été très connue. En France, elle a eu un très gros succès. Ah, tant mieux. Ouais. Oui. C'était bien. Elle est venue, Cœur de Pirate, à Minneapolis, au Cedar Cultural Elle est Center. Venue ici Oui, il y a un an et demi. J'ai pas vu ça. Je l'ai pas vu. Je l'ai vu annoncer, mais malheureusement, je ne suis pas allé la voir. Oui, souvent, les artistes très connus sont au Cedar, mais mm-hmm. Ici, c'est pas tellement connu. Et c'est vraiment une occasion de voir les meilleurs artistes. Et proche. Et tout près d'ici, mm-hmm. de la station. Okay. Alors. Vas-y, on va écouter les annonces et ensuite Cœur de Pirate. Oui. There are great programs on KFAI radio that speak to the Somali community, but there's only one Somali radio that speaks with funny English. I'm Abdirizak Bihi. I'll talk with a lot of Somali people who are working hard to build a stronger community as well as everyone else.

s'assaillent, même encore. Et moi je t'aime pas plus fort, mais il m'aime encore. Et moi je t'aime pas plus fort, et ma gueule s'assaillent, même encore. Et moi je t'aime pas plus fort, mais il m'aime encore. Et moi je t'aime pas plus fort, et ma gueule s'assaillent, même encore. Et moi je t'aime pas. Pas sorti d'une vitrine, emballé de papier fluo, pas volé à tes copines, pas reçu d'en haut. J'étais pas sous l'arbre à boule, ni glissé dans un sabot. Aussi douce que je me la coule, je ne suis pas un cadeau. La seule griffe que je connaisse, elle est gravée sur ma peau. Un souvenir de tigresse, c'est pas un logo. Je suis pas plus d'anniversaire que produit pour la promo. De moi, qu'est-ce que tu peux faire? Je ne suis pas un cadeau. Tu peux pas me refuser, j'ai signé, reçu. Tu peux pas me renvoyer non plus, sauf si je t'ai perdu. Près des cartons à chapeau, abandonné dans un couloir, comme ton vieux vélo, échangé contre un empire, une cravate ou un stylo. À personne tu peux m'offrir, je ne suis pas un cadeau. À personne tu peux m'offrir, je ne suis pas un cadeau. The Internet Geeks at IP House are proud supporters of KFAI Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, announcing AMPERS.org. Featuring music, arts, and cultural stories, including many produced here at KFAI. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. And we are back on. We are getting kind of by the end of the show. There's only 10 minutes left, so we're gonna listen to more songs. So we heard Cœur de Pirate, as we said before. And the last song was from Maxime Le Forestier called Le Cadeau. Le Cadeau is the gift. And Maxime Le Forestier était très très connu dans les années 70, début, early 70s? Oh, he's been around for a while. Yeah, and he had some very nice songs. This one is not one of which I was familiar with, but that's very nice. One other thing I wanted to talk about too, je voulais parler de la page Facebook. So you can go into Facebook and find Bonjour Minnesota and like us. And this way you will be able to follow us. And we are trying to, you know, we post music mainly from YouTube. We post events from the Twin Cities when we are aware of it. And we also post some article, mainly in French, but like some things that, you know, like cultural things. So that's that was nice. One of the last that I posted, for example, was about in the Paris metro. There was, for a while, there was a big board, like it's a big map that was on the wall with some light bulbs, and you could push the buttons, say where you were living and where you are going, and it was showing through the small light bulbs the path. You know, it was not clever, super fancy, but it was working for what it did. I mean, it was nice. Mm-hmm. It was pretty in advance. So there's that, and again, a lot of music because it was Black History of the Month. We I posted quite a bit of music from Black artists, French mm-hmm. Black artists, TT. Quite a bit of rap music too, and some Zouk, but so feel free to like our page, aimez notre page de Bonjour Minnesota sur Facebook, comme ça vous pourrez être au courant et voir de la musique, des articles, enfin, et des événements français. La dernière chose dont je voulais parler aussi, c'est notre site web, notre site internet, kfai.org. If you pick, if you go on the website and find Bonjour Minnesota for the program, you have the main page, but after that you can go back for the week before and listen to the broadcast, to the complete 2 hours. So if you don't have time to listen to us on Tuesday from 8 to 10, or if you're in France and you're still sleeping because it's kind of like, you know, between 4 and 5 now, you can listen later, or you can écouter en différé. And we also post all the playlists of the show. So if you have any question, I had someone calling tonight very nicely asking, what is the song from Zaz? I really liked it. And it was super duper. Mm-hmm. I was able to give it to him. But it's also on the website for the past 2 weeks. So it says 2 weeks, and the playlist stays longer. But it's hard to find French CDs here in the ordinary American stores. It is, but now with Amazon and, you know, yes, the internet, it did help a lot. So we're going to listen to another song that's going to be from Zazie, and that's going to be Mademoiselle. This is Zazie and not Zaz. Not Zaz. Okay. Zazie pas Zazie, and Zazie pas Zaz. All right. Are we ready to go? Let's go. Les enfants, les pucelles, en levant. C'était Zazie avec Mademoiselle. Et puis ben là, notre programme se termine bientôt. On va écouter encore une autre chanson par un groupe qui s'appelle Chat, une chanteuse qui s'appelle Chat. Et ça s'appelle Le Cœur. Donc sur ce, on vous souhaite bonne soirée, bonne nuit. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, Frédéric. À la semaine prochaine. Merci pour les auditeurs d'écouter Bonjour Minnesota. Et félicitations à Daniel d'avoir gagné les billets pour le film au Thailand. Au revoir. Au revoir. J'ai essayé de m'approcher comme on effleure un animal effaroché, courant sur l'autoroute de ton torse avec mon pied. Je te touche mais si tu dors, tu m'as collé. Aime-moi, aime-moi, aime-moi encore un peu comme le vent léger. Je cherche au fond de tes yeux le souffle qui m'a aimé. Aime-moi, aime-moi, aime-moi encore une fois comme un éclat d'été. Approche-toi de moi et du bout des doigts lâche-toi. Je suis ta lune, ton cou de dingue. Demain je serai la dune où tu me flingues. Pourtant tes doigts de soie m'ont dessiné mieux que les fées. Je te touche mais si tu dors, l'encre va couler. Dans tes bras je m'abandonne, je suis affamée. Prête-moi ta couronne, je la porte et je deviens ta reine de la nuit. Attention, il est minuit, les larmes vont chasser les rubis. Ça, si tu me vois fondre sous ton ombre, détends le cœur. Des fois que je m'y glisse de nouveau, détends le cœur. La la la. Pourquoi le temps se fait-il l'amant le plus capricieux? Navigue dans les méandres de nos sauts adieux. Approche-toi, oublions ça comme l'or. Ce que nous sommes fabuleusement heureux. Ceci n'est pas une réclame, ni un texte slam, faux. J'en vois déjà venir, signé Noisy L-E-S-C, X-S-S-C, j'aurais peut-être dû prévenir. Genre innégociable, genre Hugo Chavez, en gros, qu'importe les avis, aucune tenue exigée, ceci vient réviser les gens. Et oui, ceci fait dans le rap, pop et reggae, blues, rock, soul, ni drapeau, ni guéguerre, que du gros son en général, pas trop dégueu, mais restons sport. Si les hype de bégaye, ceci est sponsorisé, c'est fait feu, le responsable, texte, flow, thème, et pour le reste, on s'appelle. Ceci n'est qu'un échange, lâche ton scalpel, kiffe, la vibes alléchante, c'est là. Ce n'est que le chant d'une étoile. Chant d'une étoile, oui c'est là. C'était que le chant d'une étoile.